Bonjour et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 8 au 14 juillet. Bélier, vous avez besoin de prendre du recul pour trouver une solution à un problème. Restez calme et pesez soigneusement toutes les options avant de prendre une décision. Dans les relations, Vénus et Pluton vous recommandent d'agir avec tact entre le 12 et le 14 afin de régler une situation délicate. Enfilez des gants de velours et pas des gants de boxe. Taureau, Mars et Uranus vous dopent. Cela vous permet de briller lors de vos entretiens et réunions grâce à votre capacité à générer des idées. Expliquez aussi comment les mettre en pratique. Dans les relations, jusqu'à mercredi, côté cœur, Mars ajoute sa note dynamique pour pimenter vos sentiments. Laissez donc la passion nourrir vos amours. Gémeaux, soyez vigilants. Mercure en Lion et Jupiter dans votre signe vous souffle de bons plans pour votre compte et votre portefeuille. Solde ou conseil d'un employé de banque, à vous de voir et de creuser. Dans les relations, dès vendredi, Vénus en Lion vous invite aux festivités de l'amour. La séduction est au programme. Enfilez vos belles tenues. Cancer, plus les jours passent, plus vous avez tendance à suivre votre propre voie, mais cela peut vous démarquer des autres. Aussi, restez fidèle à vous-même tout en restant ouvert aux conseils d'autrui. Dans les relations, ce week-end, Mercure met l'amitié à l'honneur. N'hésitez pas à rassembler vos amis. Et vive les sorties, plus on est fou et plus on rit. Lion, même si votre morale se maintient, votre énergie mal canalisée peut vous jouer des tours. Essayez de vous exposer à la lumière et au soleil dès que possible. Et on fait le plein de vitamines. Dans les relations, à partir de vendredi et tout le week-end, Vénus et Pluton vous imposent de régler une situation équivoque. Alors prenez votre courage à deux mains et fuyez le climat trouble. Vierge, le soleil, Mars et Uranus vous encouragent encore. Volonté, pugnacité, originalité, usez de ces atouts sans hésiter et vous obtiendrez ce que vous voulez. Dans les relations, à partir de jeudi, vous ressentez le besoin de vous retirer dans vos pénates ou de sortir faire un tour en solitaire. Faites donc, c'est idéal pour se remettre les idées en place. Balance, Mars et Mercure vous exhortent à vous décarcasser avec résultat. Oui, y compris pour réparer une situation bancale, améliorer vos finances. Alors, tenez bon. Dans les relations, dès vendredi, Vénus en Lion réveille votre part endiablée. Laissez la passion colorer votre existence, démontrer votre affection sans retenue. Et en solo, il y a de l'amour dans l'air. Scorpion, Saturne et Mars vous maintiennent dans une certaine discipline et concentration. Vous êtes tonique, mais vous avez besoin de moins de pression. Mettez-vous un petit peu au vert. Dans les relations, jusque jeudi, Vénus et le Soleil maintiennent votre secteur sentimental au beau fixe. En solo, une gentille proposition peut vous faire rougir. Soyez donc curieux. Sagittaire, vous pouvez faire face à un travail important grâce à votre créativité. Alors, comptez sur Mercure et Pluton comme alliés surtout. Votre intuition et votre clarté d'esprit seront décuplées. Dans les relations, dès vendredi, Vénus joue les entremetteuses. N'attendez pas de partir en vacances pour regarder autour de vous. Une rencontre peut se produire partout. Capricorne, grâce à votre mental de champion et à votre santé physique, vous rayonnez d'un charisme unique. Alors n'hésitez pas à profiter de cette énergie dynamique pour vous mettre en avant. Dans les relations, en solo, une rencontre s'annonce. Mars encense vos initiatives communes. Dès jeudi, suivez Vénus en Lion sur un terrain plus sensuel. Verseau, Mars et Uranus vous usent. Votre tension nerveuse risque d'être en hausse en fin de semaine. Optez pour un week-end plus zen. C'est mon petit conseil. Dans les relations, entre mercredi et vendredi, Vénus et Pluton vous imposent une remise en question sur votre façon d'agir. Alors changez votre regard et votre attitude. Vous pourrez ainsi donner le meilleur de vous-même. Poissons, selon le Soleil, Saturne et Mars, vous débordez d'énergie et d'ambition. Misez sur votre inspiration et votre pugnacité pour mener votre navire à bon port. Et dans les relations, jusqu'à jeudi, vous ne retomberez pas de votre nuage enchanteur. Non, non, non. En solo, vous sortez même vos plus beaux atouts estivaux. Ensuite, concentrez-vous sur vos contacts professionnels. Petit conseil. Voilà, c'était votre horoscope pour la semaine du 8 juillet. Bel été à tous et à la semaine prochaine.